L'annexe d'études de pelouse de l'Académie nationale des sciences a mis au point une nouvelle variété de gazon qui reste vert pendant plus de 300 jours. Cette nouvelle variété de gazon coréen résiste bien à la sécheresse, aux maladies, au froid, au piétinement. Elle s'adapte donc aux conditions climatiques défavorables. Elle demande peu d'eau et d'engrais et peut être cultivée partout dans le pays.